connexion, Ahmed Comar. Longino, un nouveau classique. Scred connexion, Ahmed Comar. Longino, un nouveau classique. Scred connexion, Ahmed Comar. Longino, Longino. T'as vu mon groupe, ma troupe, elle est unie comme le splendide. Vaut mieux se tenir les coudes car autour de nous y'a comme un grand vide. L'idée c'est qu'au départ, parti de rien, y'a tout à construire. Donc luttez contre ceux qui contre nous, contre vous conspirent. On se tire loin d'ici, mais change pas le problème. Le froid, polaire, les sales regards où que ce soit et où que je me promène. La trouille des patrouilles et de leur loi complètement bouillon. Veulent pas de mélange de culture et donc des pistes dans leur bouillon. On se débrouille comme on peut et on fait avec ce qu'on a. Tout que tu veux arrive pas, notre vie c'est un vrai combat. Donc tiens bon, je m'agrippe, y'en a qui disent que je suis un brave type. J'ai pas de boulot, je suis pas gospo à la bras. C'est le ras-le-bol généralisé que j'arrive plus à canaliser. L'impression de m'enliser et de m'enfoncer, ça me fait baliser. Et avant, je croyais vraiment qu'il y avait un malaise. Mais tout est calculé car ils sont vraiment trop balèzes. Je suis pas à l'aise, je veux me casser, boucler mes valises. Marre de toutes ces conneries, mort et violence qu'on banalise. Quand j'analyse, je me dis qu'en fait on est tous prisonniers. Au fond de nos cœurs, c'est un ghetto et pour sortir, on a beau cogner. Si tu connais, c'est notre passé, nous c'est hommes d'action. Sans résultat concret, y'aura jamais de satisfaction. Mais que veulent-ils? Qu'on soit soumis, qu'on leur dise merci. Moi je rappe pour la T6, ça vaut 5 zénith. T'es 20 persis, si je prends le chromi, Ahmed Comar. J'rappe pour la T6, ça vaut 5 zénith et 20 persis. Si je prends le chromi, c'est net et précis. J'rappe pour la T6, ça vaut 5 zénith et 20 persis. Si je prends le chromi, Ahmed Comar. Ahmed Comar. Et c'est pas le popo ici qui me fera sortir du caca. Une mère qui trime, ça donne courage, surtout quand t'as pas de papa. C'est le même topo, dégoûté quand dans tes poches t'as pas. Un franc qui traîne, entraîne, ne pas semer, récolte nada. En attendant mon heure, je rappe sans raconter trop de bêtises. Je vois du monde en concert, même si je suis pas connu comme Fujis. Ahmed Comar, il veut aussi sa part du gâteau. Comme tous les galériens qui se sont fait mener en bateau. Un battant, car c'est ça ou devenir loser. Un putain d'employé qui devra bosser 12 heures. C'est en douceur, vénère parfois que je balance des mots justes. C'est le show ou la rue, car dans ce bis faut qu'on s'incruste. Je suis pas voyant, voyons, j'ai pas une boule de cristal. Si je réussis un jour, j'inviterai mes potes ailleurs qu'en freestyle. C'est sur une île que je veux partir, finir en beauté. Moi je représente ma mère et tout le parquet qu'elle a frotté. Dans ta cité, les gens vrais n'ont plus de succès. Je représente ma mère et tout le parquet qu'elle a frotté. Dans ta cité, la vérité est faussée. La vérité est faussée. Dans ta cité, les gens vrais n'ont plus de succès. Je représente ma mère et tout le parquet qu'elle a frotté. Dans ta cité, la vérité est faussée. Je représente ma mère et tout le parquet qu'elle a frotté.